Moi je suis de l'époque de l'antenne à la fourchette, des flots à la cool chienne, elle m'attend sous la douche, j'ai le goût de sa bouche, Ray, des porteurs de courgettes qui vont parler pour ti, des gaines carrées, des gars parlent, on démarre pour des broutis. Ouh dingue, tu veux me faire oublier, housebête, armé comme un housebête, quand je roupie, couba, je vais partir comme tout le monde, avant l'âge de Tupac, parole d'Algérien, l'Algérien, je le fais comme un loup, elle veut ses loups boutins, elle fait sa folle au Novotel, nouveau délire, nouveau tel, au 9ème étage, niveau punk, niveau Hala, on est OP, on est connu d'OP coquine. Ces fils de pute appellent les Schmitt parce qu'ils sont copains copines. Tout d'aubaine de Ketama vient la résine. Vico, j'escorte la caravane avec une armée sarrasine. Et Herbel Gang mène la danse menaçant, c'est ça la jungle. Comme à l'époque de Puissance Nord, les Oliviers, le magasin. Dans le couloir de la mort, j'attends le délibéré. J'ai tant de colère dans le cœur que je ne veux pas libérer. Tu le sais, je te menace pas, wallah, je te menace pas. Je te menace pas, wallah, je te menace pas. Le lendemain, je suis devant chez toi. Tu parles mal, tu finis mal, conseillé par le shaitan. Tu le sais, je te menace pas, wallah, je te menace pas. Je te menace pas, wallah, je te menace pas. Entre nous, tu doutes, rien qu'on fait des boucheries. Le game est marabouté. J'arrive dès qu'une touche, dit, ouais, je te volais le goûter. Aujourd'hui, tu m'écoutes, même sans autotune, on a le flow, t'es dégoûté. Genre, tu m'écoutes pas, t'arrives mon son dans l'écouteur. À la barre, on est tous coupables, dominant, on tombe à toute heure. À moi, on m'achète pas, demande pas. Combien ça coûte, YMJK, tout barre, ça fait l'air sur le scooter. Hein, je crois ces petits en wheel, les grédarons qui crient, eh oui, à personne, on s'affilie. Si je sors le PG, que je te finis. La dégaine à Philadelphie, c'est un putain de DZ, ce feat. Je suis pas là pour qu'on les petites, ce que je veux, c'est faire passer du shit. Moi, du diable, combien le dans les bêtes qu'on a trop traîné. Quand tu manges, je trouve pas le sommeil. Je pense au bif qu'on a pris hier. Je traverse par soleil, si pour moi tu t'es pas mêlé. Je fais 3 000 par semaine, à Barcelone pour du millier. Dans le couloir de la mort, j'attends le délibéré. J'ai tant de colère dans le cœur que je ne veux pas libérer. Tu le sais, je te menace pas, wallah, je te menace pas. Je te menace pas, wallah, je te menace pas. Parle de moi la veille, le lendemain, je suis devant chez toi. Tu parles mal, tu finis mal, conseillé par le shaitan. Tu le sais, je te menace pas, wallah, je te menace pas. Je te menace pas, wallah, je te menace pas.